Dans la manière dont le vent souffle, y'a quelques pixels en plus dans le ciel. Comme si ma vie d'avant j'étais absent. Je le sens, je le sens. Y'a quelque chose dans les ombres enfouies dans les creux. Y'a quelque chose dans les songes enfouillant l'essentiel. Comme si ma vie d'avant j'étais absent. Je le sens, je le sens. Yasashi kaze ga fuku, yugure ni asobu kake, wasure kaketa. Y'a quelque chose dans les rayons du soleil. Y'a quelque chose dans l'air, un rien qui se lève. Une force invisible qui me soulève en riant et laisse dans mon cœur un embryon esselé. Tokiwa en plus dans le ciel. Comme si ma vie d'avant j'étais absent. Je le sens, je le sens. Y'a quelque chose dans les ombres enfouies dans les creux. Y'a quelque chose dans les songes enfouillant l'essentiel. Comme si ma vie d'avant j'étais absent. Je le sens, je le sens. Kako to mirai bakari kangaete ta mairichi tachi domaro to mo sezu ni kono sekai wa mugen na no ni. Hier encore tout était vague. Hier encore tout était flou. Hier encore tout était vague. Manière dont le vent souffle, y a quelques pixels en plus dans le ciel. Comme si ma vie d'avant j'étais absent. Je le sens, je le sens.